debout dans sa chambre. Il n'a pas trouvé de travail ce jour-là. Une femme est debout dans sa chambre. On lui a dit non, pas d'embauche dans la maison d'en face. Un homme est debout dans sa chambre. Il n'a pas trouvé de travail lui non plus. Dans la rue, dans toute la rue, des gens sont debout dans leur chambre sans savoir pourquoi. Les voilà, les voilà. Les voilà tous qui descendent l'escalier sans trop savoir pourquoi. Les voilà tous marchant dans la rue dans un grand silence. Un silence lourd soudain au premier carrefour. Voilà que des bouches, un autre cortège qui marche dans un grand silence vers le palais des conférences où l'œil grave, l'œil froid. Quatre messieurs décorés, quatre messieurs ont posé leurs chapeaux de forme sur la table des conférences. Soudain, l'un d'entre eux regarda la fenêtre et sur la place il voit quoi? Il voit 100 000 hommes, 100 000 femmes qui n'ont pas trouvé de travail. Alors sans dire un mot, il remet son chapeau et le voilà qui court suivi de ses collègues. Il s'enfuit par les souterrains. 100 000 hommes, 100 000 femmes font plier les grilles. Il les bouscule, les gardes mobiles. Ils envahissent le palais. Oh, his. Tout reste à faire. On s'en fout. On est enfin chez nous.